D'après le journal d'internet sud-coréen Tongilnews, les habitants de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord ont tenu le 28 janvier devant la sous-préfecture un meeting à la bougie contre la disposition de SAD. Les orateurs ont déclaré que la disposition de SAD en Corée du Sud est un acte détruisant les rapports sud-nord et favorable seulement aux États-Unis.